couleur locale. 30 minutes pour découvrir les artistes de votre région. Soyez les bienvenus sur Fadjet, l'émission Couleur Locale. 30 minutes donc pour découvrir les artistes de votre région et plus particulièrement aujourd'hui une actrice plus une chanteuse qui est invitée de cette émission. Camille, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Camille Adams, même pour être complet dans la présentation, chanteuse du groupe Les Petits Piafs que vous avez peut-être eu l'occasion de découvrir sur scène. La dernière fois notamment, c'était en octobre. Alors moi j'étais toute seule en octobre. Et c'était donc C'était en première partie de Camille Ardoin. Voilà, c'était à l'occasion d'un concert proposé par l'association Les Baladins qu'on vous avait présenté sur Fadjet. Couleur locale, donc 30 minutes pour découvrir des chanteurs, chanteuses, groupes de votre région. Et aujourd'hui c'est donc Camille qui nous a fait une sélection de chanteurs et chanteuses. Et je vais d'abord te demander de présenter Les Petits Piafs et ton programme. Alors, Les Petits Piafs existent depuis quelques années déjà. Hein. Donc, on est trois. Il y a Christian Mangel à l'accordéon, Benoît Dangien au piano. Alors, piano, chant, il jongle même. Enfin, il est comédien, imitateur aussi. Enfin, on s'amuse bien. Alors, le titre du spectacle, c'est « L'hymne à la môme ». Donc, où on reprend le répertoire Édith Piaf, mais avec aussi des chansons qu'on entend moins, hein, telles que « Mon vieux Lucien »,« Marie Trottoir »,« Les blouses blanches ». Voilà, autrement, il y a les classiques, l'hymne à l'amour, évidemment, « Milord »,« La foule »,« Les amants d'un jour »,« Johnny, tu n'es pas un ange ». Voilà, donc tout un programme pour ce spectacle des Petits Piafs. Et on va bien sûr tout de suite démarrer en musique avec un extrait d'un spectacle. C'est quel titre que nous allons écouter ? Je m'en fous pas mal. Celle-là, elle est un petit peu connue quand même. Et on se retrouve tout de suite après. Je suis né passage de la bonne graine. J'en ai pris de la graine et pour longtemps. Je travaille comme un chien toute la semaine. Je vous jure que le patron, il est content. Mes amis se sont mis en colère. C'est pas bien malin ce que tu fais là. Faut ce qu'il faut, mais toi tu exagères. Tu verras qu'un jour, tu le regretteras. Je m'en fous pas mal. Il peut m'arriver n'importe quoi, je m'en fous pas mal. J'ai mon dimanche qui est à moi, c'est peut-être banal. Mais ce que les gens pensent de vous, ça m'est égal. Je m'en fous. Il y a les bords de la Seine. Il y a la vue de l'opéra. De Vincennes, quel beau dimanche on a là. Et puis il y a le bal qui vous flanque des frissons partout. Il y a les étoiles qui sont plus belles que les bijoux. Il y a les beaux mâles qui vous embrassent dans le cou. Le reste après tout, je m'en fous. Ce fut par un de ces beaux dimanches que tous deux on s'est mis à danser. De grands yeux noirs, de longues mains blanches. Alors je me suis laissé embrasser. Mes amis se sont mis en colère. Ce type-là c'est connu, il a pas de cœur. C'est un venu pied, un trait de misère. Il t'en fera voir de toutes les couleurs. Je m'en fous pas mal. Il peut m'arriver n'importe quoi, je m'en fous pas mal. J'ai mon amant qui est à moi, c'est peut-être banal. Mais ce que les gens pensent de vous, ça m'est égal. Je m'en fous. Il y a ses bras qui m'enlacent. Il y a son corps doux et chaud. Il y a sa bouche qui m'embrasse. Ah mon amant, ce qu'il est beau. Et puis y a le bal. Quand je suis dans ses bras, c'est fou, je me trouverai mal. Quand il me dit viens, rentrons chez nous à l'animal. Avec lui j'irai n'importe où, le reste après tout, je m'en fous. J'ai vécu des heures si jolies. Quand il me prenait entre ses bras, je n'aurais jamais cru que dans la vie on puisse être heureux à ce point-là. Mais un jour où tout n'était que rire, un jour de printemps rempli de joie, il s'en est allé sans rien me dire, sans même m'embrasser une dernière fois. Je m'en fous pas mal. Il peut m'arriver n'importe quoi, je m'en fous pas mal. J'ai mon passé qui est à moi, c'est peut-être banal. Mais ce que les gens pensent de vous, ça m'est égal. Je m'en fous. Les souvenirs qui m'enlacent chantent au fond de mon cœur. Et tous les coins où je passe me rappellent mon bonheur. Et puis à le bal, je danse et je ferme les yeux. Je crois que c'est encore nous deux. Parfois j'ai mal, j'ai mon cœur qui frappe à grands coups. Ça m'est égal. Je m'en fous. Je m'en fous pas mal, la voix de Camille Adams sur Fadjet avec les petits piafs. C'était un enregistrement à la MJC Pichon. Tout à fait, oui. Voilà. Camille Adams, donc invitée de l'émission Couleur Locale, qui nous fait une sorte de carte blanche, une sélection de titres de chanteuses et chanteurs. Eh bien, je te laisse la parole, Camille, pour la suite du programme de cette émission. Alors, je vais commencer par un artiste qui s'appelle Yann Gaël, un artiste français, auteur, compositeur, interprète, à la voix grave et sensuelle, bourré, complètement bourré d'humour, menant sa plume tel un archer, touchant sa cible à tous les coups. Alors, c'est un rocker tendre qui aime les jeux de mots. Alors, un exemple, le titre d'un de ses albums s'appelle « Âme amère », en deux mots, « âme amère ». Voilà. Mais il chante aussi ces mots M-A-U-X. Voilà. C'est mieux comme ça. Adore ou qu'on les gêne, ils se mêlent de notre amour. Tant de questions, tant d'influence, moi mes limites et toi l'extrême. Où ça finit, quand ça commence, et je ne sais plus si je t'aime. Je m'en vais, c'est fini. Tu pars là-bas, je reste ici. Et ta vie, c'était pas moi. Après tout, c'est mieux comme ça. Si tu avais tout l'univers, ce serait encore trop petit. Tu serais qu'un grain de poussière, une montagne de folie. Je n'ai pas assez de la terre. Je veux l'espace, la galaxie. Je ne peux pas vivre à l'envers. Je saurai même plus si je vis. Je saurai même plus si je vis. Tu n'appréciais que mon image. Moi je n'ai fait que te rêver. On oubliait nos personnages. On aimait qu'à peine une idée. Ne pas penser aux différences. Aller vers où ça nous emmène. Je ne suis rien sans ta présence. Mais je ne sais plus si je t'aime. Comme ça, c'était Yann Gaël sur Fadjet. Alors, un chapeau de cow-boy sur son crâne déserté, il aime aimer et rend souvent hommage aux femmes. C'est vrai que c'est un homme qui aime beaucoup les femmes, heureusement pour nous. J'ai choisi le titre qui suit parce que j'avais envie de vous faire partager sa tendritude plutôt que sa requitude. C'est aussi un peu d'égocentrisme de ma part puisque c'est ma pomme qui chante avec lui, y compris dans celui que vous venez d'écouter. L'oubli, la pitié ou la peine. S'il me restait assez de force, même s'il faut que je m'écorche, même s'il faut que tu me blesses, je me battrai pour que tu restes. Jamais tu ne prenais ma main. Tu ne chassais pas mes chagrins. Alors dis-moi ce qui te gêne. L'oubli, la pitié ou la peine. Ta joue contre ma joue. C'était toute ma vie. Mais ma vie, tu t'en fous. Et tu n'as rien compris. Je voulais tes caresses. Je je voulais des promesses. Je rêvais de tendresse. Je te rêvais, princesse. On s'est trompé d'adresse. Moi j'étais certain de te plaire, et pour toi j'aurais tout offert, la lune et le monde à genoux, une autre vie, des rêves fous. Mais tu n'étais que long silence, comme une folle indifférence. Alors dis-moi ce qui te gêne, l'oubli, la pitié ou la peine. Ta joue contre ma joue, c'était toute ma vie. Mais ma vie, tu t'en fous, et tu n'as rien compris. Je voulais tes caresses. Je voulais tes promesses. Je rêvais de tendresse. Je te rêvais, princesse. On s'est trompé. Retrouver ton corps, t'entendre encore crier, encore. Il faut abandonner le drame. Je suis fatiguée de tes larmes. Tes yeux sont pleins de plus jamais, d'oubli, de peine et de pitié. Et tout ça ne sert à rien, puisqu'on s'est trompé de chemin, puisque ta vie n'est pas la mienne, avant que survienne la haine. Je voulais tes caresses. Je voulais. La pitié ou la peine en duo avec Camille Adams, c'était Yann Gaël et Camille Adams qui vous propose cette émission Couleur Locale aujourd'hui avec sa propre sélection et nous la retrouvons tout de suite, n'est-ce pas Camille ? Mais tout à fait, avec joie et bonheur. Donc, autre talent, autre style, autre sexe, parité oblige. Je vous parle maintenant de Jeuneux, auteur, Compositrice, interprète, maniant le verbe, le phrasé, l'orthographe et la grammaire d'une main de maître. Normal, normaux, bicyclette, vélo, c'est une instite. Enfin, une ex-instite. Alors, rien à dire sur la chanson que l'on va écouter maintenant. Tout est dedans. Criant de vérité. La mamo. J'ai rendez-vous à 15h, toujours ce pincement au cœur. Mais après, quel bonheur, on ira faire les magasins, le cœur léger sans sac à main. J'ai mal aux intestins, si tu as plus de 50 ans, tu connais tous les deux ans. On est mieux après qu'avant, tu me comprends. C'est la maman, la maman, la maman. La mamou, la mamou. C'est la mamou, la mamou, la mamou. La mamou, la mamou. Un peu d'attente, excusez-nous, les clichés sont un peu flous. On en refait un puis c'est tout. Patientez quelques instants sans vous inquiéter pour autant. Mais pourquoi tout ce temps? Ah, bonjour. Docteur, j'ai eu très peur de ce que cette échographie fit. Je me méfie, pas très à l'aise. Il biaise, il trifouille, il bafouille. Mon front se mouille et tout s'embrouille. Même la maman, la maman, la maman. La maman, la maman. Même la maman, la maman, la maman. La maman, la maman. Je suis dehors, sur le trottoir, je repousse le désespoir. Car il n'y a pas de raison. Je vois les gens qui passent plus ou moins bien dans leur godasse. Je suis sur l'autre face, je me sens derrière la vitre. Et je sais que faire le pitre ne me sauvera pas longtemps. Faire la chanteuse non plus, il va falloir tomber dessus. Ouvrir les yeux tout grand, tout grand. Tout grand. Sur la maman, la maman, la maman. La maman, la maman. La maman, la maman, la maman. La maman, la maman. Allô, allô, mes cellules. Qu'est-ce que c'est que ce groupuscule de dissidents? Là dans mon flanc. Allô, SOS, médecin, on a trouvé un groupement d'assassins là dans mon sein. Est-ce que c'est la faute de ma purée de carottes, la matière de mes culottes, de l'essence dans ma voiture, de tout ce poisson dans le mercure, de mes clopes, de mes bitures, du gros rouge qui tache, des hormones plein les vaches, de la glace à la pistache. Mon téléphone portable, de ces saloperies sur ma table, ou bien de ces questions insupportables, ou de la maman, la maman, la maman, la maman, la maman, la maman, la maman, la maman, la maman, la maman. Oui, notre monde est ainsi fait, faut se palper, se dépister, lutter contre des calamités qui ont fait maigrir quelques copains, pas bien vieux qui fumaient bien, et puis d'autres qui fumaient rien. On les a vus se ratatiner, jaunir, perdre leur poil, épuisés, parfois nous quitter, comme revenus de quelque part, partis nulle part, sur une île sans phare. Je pense à eux. Ce soir. Ouh la la la maman, ouh la la la maman, ouh la la la la la la la maman, ouh la la la maman, ouh la la la maman, la maman, la maman, la maman. Jeune chante Geneviève Moll, La Mamo sur Fadjet dans l'émission Couleur Locale. Et bien Camille, nous poursuivons cette émission avec toi. Tout à fait. Alors Jeune, elle aime les mots, les bons mots, voire les gros mots. Elle les fait valser, virevolter, danser sur tous les rythmes, avec une voix proche de la gouaille par moment. Alors voici une chanson dans laquelle elle joue encore avec les mots. Apprendre, apprendre. Ce qui est pris n'est plus à prendre, qui était pris n'a plus qu'à attendre, mais tel est pris qui croit s'y prendre. De ton mépris je dois apprendre, mais à tout prix il faudra s'entendre, dans le prix de la carte du tendre. Une âme peut cacher la forêt, si tu m'attends des alorés, du bois c'est sûr là ce serait parfait. Il faut combattre ces démons, et si un jour nous nous aimons, je jure d'arrêter ça, c'est mon combat. Ce qui est pris n'est plus à prendre, qui était pris n'a plus qu'à attendre, mais tel est pris qui croit s'y prendre. De ton mépris je dois apprendre, mais à tout prix il faudra s'entendre, faire un tri dans la carte du tendre. Un tien vaut mieux que de tu l'auras, un chien c'est mieux que de gros rats. J'ai peur des chiens, t'aimes pas les chats, ça va. Ventre affamé n'a pas d'oreille, mais semblables n'ont pas leur pareil. Tu comprendras quand tu essayes, rat. Ce qui est pris, qui était pris, mais tel est pris. De ton mépris, mais à tout prix, faut me faire un prix. Patience et longueur de temps font bien plus que colère ni que rage. J'ai pas envie de rester sage. Viens, allez viens, je te ferai un petit nid bien douillet, tout chaud, tout tendre et grassouillet. Je ferai tout pour que tu sois fière de moi. T'as rien compris, je peux plus attendre. Réponds, vois, mon cœur va se fendre. Si tu veux pas, je fais un esclandre. J'ai de l'impatience à revendre. Tu veux donc voir mon cœur en cendre. Après de m'asseoir, j'irai me pendre ailleurs. J'irai me pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Jeune sur Fadjet avec apprendre, apprendre. C'est pas facile à dire. C'est pas facile, ouais, je me suis fait piéger, j'avais pas grand chose à dire. Mais je te laisse la parole Camille pour la fin de cette émission Couleur Locale. Presque. Oui, alors on va écouter un dernier morceau de cette belle Jeune que j'aime énormément. Alors sur ce dernier morceau, notre Jeune, eh ben, elle se lâche un peu beaucoup. Alors je dirais simplement, non madame, on n'en veut plus de ton épée. Madame Auclès. On vous emmerde. Madame Auclès, faut qu'on vous perde. Faut qu'on vous laisse à vos promesses, à vos menaces de cataclysme. Ça vous dépasse, hein, l'optimisme. Dès qu'on s'amuse, on nous fait croire que ça nous use, mais c'est des histoires. Que bien vivre raccourcit la vie. Ah, faut vous suivre, nous, on a envie de tripoter ce qui donne des boutons, pratiquer tout ce qui rend sourd, grignoter ce qui nous fait tout rond, sans s'occuper de nos vieux jours, fumer tout ce qui crève les poumons, draguer tous ceux qui bougent autour, goûter à toutes les boissons, sans modération, tour à tour, vous y allez fort. Madame Ouclès, avec vos grands airs de princesse, de prêtresse, vos prédictions sur notre santé, elles nous frôlent sans nous chatouiller. On n'en veut plus, vous porterez toute seule le poids de votre foutue épée. Nous, on veut vivre plus léger, prendre des risques, oser bouger, baigner dans son cholestérol, son coude, son coucou, son rouler à 60 en bagnole, rouler à 60, faire des perfusions de chocolat, dormir tout nu, sans pyjama, jouer sa belle-mère au poker, faire un bras d'honneur au cancer, mettre ses boules-caisses à la poubelle, pour écouter chanter Raphaël, tripoter ce qui crève les poumons, pratiquer ce qui nous fait tout rond, goûter tout ce qui bouge autour, sans modération, tour à tour, sans protection, comme des polissons, comme des pochetrons, des épicuriens qui s'amusent d'un rien, ou des baladins qui chantent jusqu'au matin. Quoi ? Oh, ben c'est pas joli non plus d'avoir l'épée plus haut que son. Paparaparaparam. Paraparaparaparam. Son cholestérol. Paraparaparaparam. Paraparaparaparam. À 60, à 60. Paraparaparaparam. Bagnole. Madame Ouclès, pour terminer cette émission Couleur locale, c'était Jeune. Merci Camille pour cette sélection musicale aujourd'hui. Avec joie et bonheur. J'espère que vous pourrez les écouter plus longuement sur, en vous procurant leurs albums. Voilà, c'était donc Camille Adams, hein, chanteuse, que vous pouvez retrouver sur Facebook, notamment dans le groupe Les Petits Piaf. Hein, Les Petits Piaf, voilà. Pour en savoir encore plus. C'était l'émission Couleur locale. Rendez-vous demain à 13h pour une autre sélection d'artistes du Grand Est, d'artistes locales, de tout près de chez vous. N'hésitez pas à les découvrir sur scène. Couleur locale, c'est fini pour aujourd'hui. Passez un bon week-end. Merci Camille. Mais de rien. Couleur locale. 30 minutes pour découvrir les artistes de votre région.